13-7, observation, protestation. Pour protester, vous pouvez dire. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Pas de respire. Pas de ça. Pas de bavardage. À la queue, comme tout le monde. Attendez, comme tout le monde. Taisez-vous, comme tout le monde. Oh là là! Si on ne peut plus resquiller. Si on ne peut plus draguer. Si on ne peut plus fumer. Si on ne peut plus parler. Où va-t-on? Où allons-nous?